Et c'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, le Coran. Et avec la vérité, il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur.